Eugène Sue, Kernok le pirate, chapitre 4, le brick, l'épervier. Fameux bâtiment, allez. Depuis les tambours jusqu'au hunier, il n'en est pas dans l'arsenal qui puisse marcher son égal. Vent debout, il file au mieux dîneux. Chanson de matelot. Le brouillard qui voilait les environs du petit port de Paimpoule se dissipait peu à peu, et le disque du soleil paraissait d'un rouge foncé au milieu de ce ciel gris et terne. Bientôt Saint-Paul, dominé par ses grands bâtiments noirs et ses clochers de pierre, apparut vague et incertain à travers la vapeur qui s'élevait des eaux, puis se dessina d'une manière plus arrêtée quand les pâles rayons du soleil de novembre eurent chassé l'air épais et humide du matin. À droite s'élevait l'île de Callot et ses brisants, le moulin et le clocher bleu de Plougasnou, tandis qu'au loin se déroulait la côte de Tréguier, au sable fin et doré, terminée par les immenses roches qui se perdent à l'horizon. Le joli bassin de Paimpoule ne contenait ordinairement qu'une soixantaine de barques et quelques navires d'un tonnage plus élevé. Aussi le beau brick, l'épervier, dépassait-il de toute la hauteur de ses huniers cette ignoble foule de lougres, de sloops, de chasses marées qui étaient mouillées autour de lui. Vrai, c'est un beau brick, le brick d'épervier. Peut-on se lasser de le voir droit et ras sur l'eau avec ses formes étroites et élancées, sa haute mâture un peu penchée sur la mer, qui lui donne un A si coquet et si marin? Comment ne pas admirer ce gréement fin et léger, ses larges basses voiles, ses huniers et ses perroquets si élégamment échancrés, et ses bonnettes qui se déploient sur ses flancs, gracieuses comme les ailes d'un cygne, et ses phoques élégants qui semblent voltiger au bout de son beau pré, et sa ligne de vingt caronades de bronze qui se dessine noire et blanche comme les bandes d'un damier. Et puis jamais la vapeur odorante de la myrrhe brûlant dans les cassolettes d'or, jamais la violette avec ses feuilles veloutées, jamais la rose et le jasmin distillés dans de précieux flacons de cristal n'approcheront du délicieux parfum qui s'exhalait de la cale de l'épervier. Quel odorant goudron, quel suave bitume! Vrai Dieu, mordieu, c'est un beau brick que le brick l'épervier. Et puisque vous l'admirez endormi sur ses ancres, que diriez-vous donc si vous le voyiez donnant la chasse à quelque malheureux trois-mâts marchand? Non, jamais cheval de course, écumant sous le frein, n'a bondi avec autant d'impatience que l'épervier, lorsque le pilote venait au vent au lieu de laisser porter sur le navire poursuivi. Jamais l'Alcyon, rasant l'eau du bout de son aile, n'a volé avec autant de rapidité que ce beau brick, lorsque par une forte brise, ses huniers et ses perroquets hauts, il glissait sur l'océan, tellement penché que le bout dehors de ses basses vergues effleurait le sommet des vagues. Vrai Dieu, mordieu, cordieu, c'est un brave brick que le brick l'épervier. Et c'est lui que vous voyez là, tout noir, à fourcher sur ses deux câbles. À bord, il restait peu de monde. Le maître d'équipage, six matelots et un mousse, rien de plus. Les matelots étaient groupés dans les haubans ou assis sur l'affût des caronades. Le maître d'équipage, homme d'environ 50 ans, enveloppé dans un long caban oriental, se promenait sur le pont d'un air agité, et la protubérance que l'on remarquait sous sa joue gauche annonçait, par son excessive mobilité, qu'il mordait sa chique avec fureur. Or, le mousse, qui, immobile auprès du maître, son bonnet à la main, paraissait attendre un ordre, remarquait ce fâcheux pronostic avec un effroi toujours croissant, car la chique du maître était pour l'équipage une espèce de thermomètre qui annonçait les variations de son caractère, et ce jour-là, suivant les observations intérieures du mousse, le temps avait l'air de se mettre à l'orage. « 1 000 000 000 de tonnerres !» disait le maître en enfonçant son capuchon sur ses yeux. « Quel infernal vent l'a poussé! Où est-il ? 10 heures et pas encore revenu à bord. Et sa bête de femme, qui part au milieu de la nuit pour aller le rejoindre. Le diable sait où ? Une si belle prise ! Perdre une si belle brise ! » répétit-il d'un ton déchirant, en regardant un léger plumet attaché au ruban, qui, par la direction que lui donnait le vent, annonçait une forte brise du nord-ouest. « Il faut être aussi fou qu'un homme qui se met le doigt entre le câble et l'écubier. » Le mousse, impatienté de la longueur de ce monologue, avait déjà essayé 2 fois d'interrompre le maître d'équipage. Mais le coup d'œil furieux et la mobilité excessive de la chique de son supérieur l'en avait empêché. Enfin, faisant un effort sur lui-même, son bonnet sous le bras, le cou tendu, la jambe gauche en avant, il se hasarda à tirer le maître par un pan de sa houppelande. « Maître Zélie, lui dit-il, le déjeuner vous attend. »« Ah, c'est toi, grain de sel. Que fais-tu là, gredin ? Buse, animal, ratcal. Veux-tu que je te fasse tanner le cuir, que je te rende l'échine aussi rouge qu'un rosbif cru ? Répondras-tu, mousse de malheur ? » À ce torrent d'injures, de menaces, le mousse ne posait qu'un calme stoïque, habitué qu'il était aux boutades de son supérieur. Et, soit dit en passant, vous saurez que si je croyais à la métempsycose, j'aimerais mieux revenir pour toute ma vie dans le corps d'un cheval de fiacre, d'un surnuméraire, d'un âne de Montmorency, d'animer enfin ce qu'il y a de plus misérable, plutôt que de séjourner une seconde dans la peau d'un mousse. Nous l'avons dit, le mousse ne soufflait mot. Et lorsque maître Zélie s'arrêta pour reprendre haleine, grain de sel hasarda avec un air plus humble que de coutume. « Le déjeuner, vous... »« Ah, le déjeuner !» s'écria le maître, enchanté de faire tomber sa fureur sur quelqu'un. « Ah, le déjeuner ! Tiens, chien !» Ceci fut accompagné d'un soufflet et d'un coup de pied si violent que le mousse, qui était en haut de l'escalier du faux pont, disparut comme par enchantement et arriva au fond de la cale en glissant avec rapidité le long des marches de l'échelle. Arrivé là, le mousse se releva et dit en se frottant les reins, « J'en étais sûr, je l'avais vu à sa chique, il a de l'humeur. » Et après un moment de silence, grain de sel ajouta d'un air fort satisfait, « J'aime bien mieux ça que d'être tombé sur la tête. » Puis, consolé par cette réflexion philosophique, il fut fidèlement veillé au déjeuner de maître Zélie.